écouter une pièce du groupe Mana, un groupe mexicain, qui est en quelque sorte le U2 de l'Amérique latine. Depuis plus de 20 ans, Mana gagne le cœur des femmes avec son reggae mélodieux et ses paroles mielleuses. Si sa popularité ressemble à celle de U2, sa musique est plutôt style de Police. Bref, un bon groupe de musique rock pop. Le groupe du pays de la tequila était donc de passage à Managua cette fin de semaine. Je ne suis pas une réelle fan de Mana, mais je ne voulais pas manquer l'occasion d'assister à un concert en plein air dans une foule de 20 000 personnes. Bon, j'ai déjà fait ça au Canada, mais jamais dans un pays en voie de développement. Je me suis dit, le chaos, here I come. Petit fait cocasse avant de vous raconter, le concert était présenté dans le stade Denis Martinez. Oui, oui, l'ancien joueur des Expos, Denis Martinez. C'est le premier joueur nicaraguayen à atteindre les ligues majeures. Il a même lancé le 13e match parfait de l'histoire du baseball majeur, et ce, avec nos défunts Expos de Montréal. Pour ceux qui ne le savaient pas, le baseball est le sport national du Nicaragua, et pas le foot. De retour au concert, quand je vais à Managua, je me paye en quelque sorte la traite. Je quitte Estelí, le Frontier Town, pour la capitale. Premier arrêt, le restaurant de sushi du centre d'achat. Les rouleaux y sont excellents. Autre fait cocasse, le restaurant a nommé un de ses rouleaux Apagón, en hommage aux pannes d'électricité qui sévit sur le pays depuis plus de 6 mois. Un problème social récupéré au nom du marketing, j'adore ça. Le ventre bien rempli, c'est direction stade. J'ai payé mon billet de $30 américains, section VIP. C'est-à-dire, ça me donne le droit de faire la file pendant 1 heure à l'extérieur du stade, de me faire saisir un appareil photo avant d'entrer, mais bon, les cellulaires, appareils photographiques, ça, il n'y a pas de problème. Après la foule, je pouvais finalement m'installer au parterre, premier arrivé, premier servi. Mes collègues, eux, des vrais fans de Mana, eux ont payé leur siège $80, section Platinum. Ils ont eu droit à une entrée assez facile, bien que leur appareil a été aussi saisi, et à une chaise de plastique assignée droit devant la scène. Je vous dirais que ma vue était pas mal, mais pour me rendre au centre du parterre, j'ai dû arriver 2 heures à l'avance, me faufiler dans une mer d'adolescents, certains prépubères, fils et filles de la haute nicaraguayenne. J'imagine que tous les enfants des riches du pays étaient là, parce que 47% des citoyens vivent avec $1 américain par jour. Disons que Mana n'est pas sur la liste des possibilités de la majorité. Arrivée à destination, la foule autour de moi avait les fourmis dans les jambes et attendait impatiemment Mana. On était tassés comme des sardines. Je n'ai jamais autant senti de seins, de hanches et de fesses se frotter sur mon corps. Ça promettait. La foule allait être déçue par la première partie. Un hippie dans la 60aine, accompagné de son joueur de piano électrique Yamaha. Il s'est époumoné à chanter Imagine, Hotel California, Hey Jude. Cat Steven était aussi de la partie. Mais où sont-ils allés chercher ce type? Sûrement dans le meilleur piano-bar d'hôtel à Managua. Il n'a pas eu un grand succès, je vous dirais, auprès de la foule qui n'était même pas née pendant le Peace and Love. Certains criaient poliment « Afuera », ce qui veut dire « Sac dans ton camp ». Après cette première partie, je m'attendais donc au pire. C'est devenu une de mes habitudes ici. Comme ça, je ne suis jamais déçu. À ma grande surprise, aucun problème de son, pas de mouvement foule dangereux, juste un excellent spectacle rock, bien rodé, avec tous les artifices habituels et encore plus, des bandes vidéo d'une extrême beauté, un solo de batterie complètement débridé, époustouflant. J'ai même été capable de danser sans me faire piler sur les pieds. Bon, il y a eu quand même quelques types là, qui m'ont tâté les fesses, là, et mon ami s'est fait voler son portefeuille par des pickpockets. Mana a été très généreux. Ils ont invité une vraie femme, pas une jeune fille, sur scène pour lui chanter la pomme. Ils ont fait un rappel et fini le tout en beauté en déployant un drapeau mexicain cousu à un drapeau nicaraguayen. La foule en voulait encore. Mais il fallait bien que ça se gâte un peu à la sortie. 20 000 personnes devaient toutes sortir par la même porte. Oui, une seule sortie, avec un corridor étroit et sinueux, sans aération. On était des vrais rats qui tentaient d'échapper au bateau avant qu'il coule. un réel danger public. Je voyais déjà le reportage dans un bulletin de télé. 10 000 personnes ont perdu la vie lors du concert de Mana à Managua. 3 Canadiens originaires de Montréal ont été piétinés par la foule. Leurs corps ont été retrouvés dans le stade Denis Martinez au Nicaragua. Vraiment, bravo aux responsables de la sécurité publique. Et pour bien terminer la soirée, le même ami qui s'est fait faire les poches s'est fait chipper son cellulaire dans ce bain de foule. Je l'ai consolé en lui disant que c'est comme ça que se fait la redistribution de la richesse au Nicaragua. On remplit un stade de fils de riches pour leur faire la passe à la sortie. Pour ce collègue qui s'est fait faire la grande fouille, je vous laisse sur un grand succès de Mana, intitulé ironiquement « Des pieds à la cabeça, des pieds à la tête ». Dime quién te quitará las estrellas.